Ebosolo netima beteza Eazanga kimoto Yakobaka ena mai Anama ezalaki Koninga nae Koninga nae ya Ebosolo netima beteza Eazanga kimoto Yakobaka ena mai Anama ezalaki Koningana, koningana bomba. Oh yes, atuna kie, yaringi. Afumara batime miso, solo ya yomba tako kango ayoe Ikampiko na losambo Kolo azomona Ikampiko na mabondeli Yaya azoyoka Oh, ndeko nanga Mwana na nzambe David na katia samba Ulu kotakie Akonji mokonzi niskayale Moninga malamu Yeah, la la la Asukulaka Alani Akambulaka Jambe monane Moninga malamu Yolo kote bele yesu Yosu koli bambole lo Talaba koma natina Bien aimé Quelle que soit la lourdeur de ton problème, ne pleure pas, ne crée rien. Il y a quelqu'un qui fut trouvé dit d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. C'est lui qui, de la poussière, ramasse le pauvre, qui finit élève les indigents, en fait de les asseoir avec le grand. Et combien-nous encore père, les rédempteurs et vivants. Il s'élèvera le dernier sur la terre afin de défendre notre cause. Alléluia.